Bienvenue à vous qui nous rejoignez dans ce journal. Voici tout de suite le menu. En cette date du 25 décembre qui marque le début de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, le parti Sahwani Afro-Débou dénombre plus de 12 000 cas de violence durant les deux dernières années. Dans ce journal, on ira à Karoussi où les travaux de construction d'un immeuble d'extension de l'hôpital Natkutula-Chovoye qui tendent à être lents selon les responsables de cette hôpital. Ces travaux étaient conduits par ce dernier avant d'être confiés à l'Obuha. Cela fait plus d'une année. Les détails sont à suivre dans cette édition. Sur le menu également à Kayanza, on vous parlera du retard des fertilisants qui impactent négativement la production du thé. Les théiculteurs se lamentent, mais le directeur général du complexe théicole de Gwegula tranquillise que ces fertilisants sont déjà disponibles. Voilà pour le sommaire de Rebingabile. Je suis à la présentation. Alphonse Kougimana assure la mise en onde. Bienvenue. C'est plutôt François Kimana qui assure la mise en onde. Bienvenue encore. L'administrateur de la commune Nyabihanga de la province Mwaro a été déclaré défaillant par le conseil communal de cette commune. Ce vendredi, les membres du conseil communal présent ont voté à l'unanimité par sa destitution, parmi les accusations portées contre cette autorité communale figure le détournement des fonds de la commune et l'incompétence dans la gestion administrative de la commune. Laurent Dikulio pour plus de détails. Selon la décision du conseil communal de Nyabihanga en province Mwaro, à l'issue d'une session extraordinaire de ce vendredi 24 novembre 2023, ce conseil communal a déclaré à l'unanimité que Gérard Nizigimana, administrateur de cette commune, est défaillant. Selon toujours cette décision, les fautes lourdes et graves accusées à cet administrateur communal sont le faux et usage de faux au nom de la commune Nyabihanga, le détournement des fonds de la commune ainsi que l'incompétence notoire dans la gestion et la gouvernance administrative et économique de cette commune. Les membres du conseil communal de Nyabihanga accusent aussi cet administrateur communal d'afficher un comportement pouvant mettre en péril l'économie de la commune. Selon cette décision, le conseil communal de Nyabihanga demande à l'autorité compétente la suspension immédiate de M. Gérard Nizigimana en tant qu'administrateur de Nyabihanga. Cette autorité administrative devra également retourner dans la caisse de la commune les fonds détournés le plus tôt possible, faute de quoi la commune saisira la justice pour ses manquements graves. Selon l'article 23 de la loi organique du 19 février 2020 portant l'administration communale, à l'issue du vote de défiance contre l'administrateur communal, le procès verbal est transmis au gouverneur de province qui saisit le ministre ayant l'administration du territoire dans ses attributions aux fins de suspension de l'administrateur communal défaillant. De moi, Laurent Dikulio, Radio Isanganiro. Merci Laurent Dikulio. Dumwalo cap sur la province Karoussi où les responsables de l'hôpital national Natkutula-Chovoye disent être inquiets de la lenteur des travaux de construction de son immeuble par l'extension de cet hôpital. C'est au moment où auparavant ces travaux étaient conduits par le même hôpital avant d'être confiés à l'Obuha il y a plus d'une année. La direction de cet hôpital espère que la réception de cette infrastructure sanitaire ne dépassera pas le mois prochain. Blaise Pascal Kalanoumié depuis Karoussi. Le responsable de l'hôpital national Natkutula-Chovoye, qui est à Karoussi, indique que les travaux de finition de la construction de cet immeuble de l'hôpital sont à la deuxième année alors qu'ils étaient programmés pour 3 mois seulement. Comme l'explique le médecin directeur, une somme de plus de 460 millions de francs burundais ont été versés au mois de juillet de l'an passé au compte de l'Office burundais pour l'habitat au Buha. Et conformément au devis de cet office, précise le directeur. Il signale que cela est intervenu après la décision des autorités du pays confiant tous les travaux de construction des infrastructures publiques à cet office au Buha. Cependant, on remarque que ces travaux de finition allaient arriver au bout, ni était cette nouvelle suspension d'activité de l'Obuha actuellement constatée et dont la direction de cet hôpital dit ne pas trouver d'explication. Le médecin directeur Proté Barivarira fait espérer que la réception de cette maison ne dépassera pas au mois prochain de décembre afin qu'il puisse servir à la population nécessiteuse avec le début de l'année qui commence. Il fait regretter que quelquefois la capacité d'accueil de l'hôpital est dépassée notamment au niveau du service de la maternité. Et la chirurgie signala que cet immeuble était dans l'optique de désengorgement de certains services de l'hôpital. Le médecin directeur signale que même le matériel d'équipement se trouve déjà sur place pour cet immeuble. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararoumié pour Radio Isanganiro. Merci Blaise. Parlons santé. La fistule obstétricale est une maladie due aux contractions trop prolongées liées aux soins obstétricaux de qualité inaccessible. Explication du docteur gynécologue Innocent Daikunda qui précise que cette maladie est évitable, traitable et guérissable. Selon des statistiques de l'organisation onusienne pour la population, plus de 3000 femmes ont été traitées de 2010 à juin 2023. Malgré cela, certaines filles et femmes de la Mairie de Bujumbura ignore encore cette maladie. Les détails avec Mireille Kanyangé. Certaines de ces filles et femmes âgées de 20 à 25 ans habitant en mairie de Bujumbura affirment avoir déjà entendu cette maladie qui est la fistule obstétricale. Elles ignorent jusqu'ici son origine. Docteur Innocent Daikunda donne des éclaircissements. La fistule obstétricale est une maladie qui est très fréquente, surtout en Afrique, dans nos pays où les soins obstétricaux de qualité sont le plus souvent inaccessibles. C'est une maladie qui est causée par un travail trop prolongé où la tête du bébé, en descendant dans la filière génitale de sa mère, traîne dans cette partie et cause un manque de vascularisation entre la vessie et l'os pubien ou entre cette tête et le canal, le rectum qui normalement chemine les matières fécales. Alors, dans le premier cas, il va provoquer un petit trou dans lequel va passer les urines de façon incontrôlée par la patiente. Et vous savez, vous croyez bien que ça va donner un problème psychologique parce qu'elle va se sentir un peu discriminée, exclue du reste de la famille. Et dans l'autre cas, ça va provoquer un afflux incontrôlé des matières fécales. Et vous voyez ce qui va souvenir après. La fistule obstétricale survient chez des femmes qui accouchent pour la première fois, explique encore docteur Ndaikunda. C'est une maladie qui survient le plus souvent chez les primipares, c'est-à-dire les femmes qui accouchent pour la première fois, où le bassin n'est pas si élargi par rapport à la taille du bébé, ce qui va provoquer un blocage de cette tête. Sinon, c'est vraiment très rare qu'une femme qui a déjà accouché 4 ou 5 fois puisse avoir une fistule, sauf si pour la grossesse qui va causer la fistule, elle aura un gros bébé qui ne pourra pas passer à travers la filière génitale. Cette maladie est traitable et guérissable, confirme ce gynécologue. Le traitement existe, il repose sur la chirurgie, c'est-à-dire il y a un personnel, des chirurgiens qui sont entraînés pour ça. Il y a un centre de prise en charge des fistules obstétricales qui se trouve à Gitega et d'autres spécialistes qui sont rodés à la matière, qui se trouvent dans la capitale. Et c'est une maladie en fait qui se traite par la fermeture de ce trou, soit par un ravivement des berges du trou, ou bien par chercher notre lambeau qui va fermer le trou. Et puis la femme sera réhabilitée de façon physique et psychologique. Au Burundi, le centre Rumuri, situé dans la ville de Gitega, est spécialisé dans le traitement. Et selon des chiffres du Fonds onusien pour la population UNFPA de 2010 à juin de cette année, plus de 3000 femmes y ont été traitées avec un taux de guérison de 92,6%. Ce centre a été étendu pour aider à soigner plus de femmes et lutter contre la stigmatisation de ces femmes pour un montant de plus de 500 millions de francs burundais. Merci Mireille Kanyangé. Plus de 12 000 femmes ont été victimes des violences par an durant les deux dernières années. Ce bilan est fait par le parti Sahonia Fodebou dans un communiqué de ce 25 novembre, une date qui marque le début de la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. La secrétaire exécutive nationale des femmes de ce parti trouve que les mœurs burundaises qui semblent tolérer ces violences constituent encore des défis. Léoncie Manadio recommande notamment à la justice de réprimer sans tolérance de telles violences qui, pour le Fodebou, ne cessent d'augmenter. Suivez-la, elle est traduite en français par Sheila Ilambona. Mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe. Umwaka ukurikira w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri. En 2021 et 2022, 12500 femmes ont connu des violences chaque année. Au cours de la première moitié de l'année 2023, de telles violences ont été perpétrées. 2357 ont été victimes de violences, parmi lesquelles 11 femmes ont été tuées. Nous avons constaté que les chiffres ne cessent d'augmenter chaque année. Parmi les causes figurent les mœurs burundaises, comme ces proverbes qu'on dit, qui sont déjà révolus, à savoir, c'est comme cela que la femme fonde son foyer. Nico Zouvakwa, il ne faut jamais dénoncer une violence et d'autres comme une fille n'est pas un enfant. Tout cela peut amener les Burundais à comprendre que cela est devenu la règle. Nous demandons aux élus de dénoncer chaque fois les présumés auteurs de violences faites aux femmes. Également, notre recommandation va à l'endroit de la police et la justice de rester toujours vigilante et sanctionner les auteurs et complices de telles violences de la base au sommet. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Vous êtes bien à l'écoute de la radio Isanganiro. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos plateformes sociales. Sur Facebook, c'est la radio Radio-Télévision Isanganiro RTI et sur X, c'est RT Isanganiro. Et dans la suite de cette édition, les téléguiteurs de la province Kayanza qui vendent leurs productions téléicoles au complexe téléicole de Gwegula grognent que le retard des fertilisants impacte négativement la production du thé. Godefroy Nyonidigye, directeur général du complexe téléicole de Gwegula, tranquillise que ces fertilisants sont déjà disponibles dans les entrepôts du port de Bujumbura et que la distribution est prévue au mois de décembre. Patrick Nsengiyumba. Les téléculteurs et Amuruta avec lesquels nous nous sommes entretenus nous ont fait savoir qu'au hangar d'achat de feuilles vertes et du thé, les agents du complexe téléicole de Gwegula chargés de la collecte de ce produit les réservent en bon accueil. Pourtant, ils indiquent que des problèmes ne manquent pas dans leurs activités agricoles. Là, ils donnent l'exemple du retard dans la distribution des engrais chimiques pour fertiliser leurs plantations téléicoles. Certains déplorent d'ailleurs que le retard de ces fertilisants impacte négativement le rendement du thé et demandent que ces engrais soient disponibles à temps, surtout avec le début de la saison pluvieuse. D'autres téléculteurs, les Amuruta, s'indignent que les camionnettes chargées de la collecte des feuilles vertes et du thé tardent à parvenir dans des points de collecte de ce produit. Godefroy Nyonizigi, directeur général du complexe téléicole de Gwegura, tranquillise les téléculteurs que les engrais chimiques du thé ont été importés et qu'ils sont déjà disponibles au port de Bujumbura et que sa distribution est prévue d'ailleurs le décembre prochain. Le DG du complexe téléicole de Gwegura réfute néanmoins les dires selon lesquels les camionnettes chargées de transport la production du thé tarde à parvenir au hangar de collecter du thé. Le prix d'un kilo de feuilles vertes du thé a récemment passé de 270 francs à 350 francs, bien que les téléculteurs précisent que le prix est encore bas vu l'entretien de cette culture industrielle. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumba pour la radio Isanganiro. Merci Patrick Nsengiyumba. Et pour boucler cette édition, la contribution du secteur minier au produit intérieur brut du Burundi est de 1%, alors que les prévisions étaient à plus de 30%. Constat du professeur de l'Université du Burundi et expert du domaine minier dans un atelier de présentation des résultats de l'étude sur le plaidoyer pour la révision du cadre légal, la promotion de la transparence, et la traçabilité du secteur minier organisé par l'Observatoire de lutte contre la corruption son vendredi. Prudence Balalounielité explique que la transparence et la mise en œuvre des textes d'application du nouveau code minier dernièrement promulgué faciliteront les Burundais à se développer via ce secteur. Suivez-le, il est au micro de mer Ndouaïo. Jusque maintenant, on pourrait dire qu'il y a encore des lacunes. C'est pour cela que même le plan national de développement 2018-2027, la politique minière revient toujours sur cette insuffisance en matière de transparence et de redevabilité et que donc, parmi les principes directeurs de la politique minière, on prévoit des actions à mener pour renforcer la transparence, la redevabilité, la traçabilité. Selon vos études, la contribution du secteur minéré au PIB s'élève à 1%. Alors qu'on s'attend de plus. Pourquoi cette différence? Est-ce que le 1% suffit? Le 1% ne suffit pas. Même si c'était 2, ça ne suffirait pas toujours. Parce que les prévisions, c'est que ça peut aller même jusqu'à 30, jusqu'à 40 ou plus. Mais ces prévisions ne reflètent pas la réalité observée sur le terrain. Et là, il y a beaucoup d'obstacles. Ils sont de plusieurs natures. Ils sont d'abord au niveau du cadre légal et institutionnel qui doit répondre aux besoins du moment en matière de projection économique, mais aussi de projection en matière d'exploitation minier. En deuxième lieu, il y a la question des ressources humaines, des ressources matérielles, des ressources techniques. Si ces moyens-là ne sont pas à la hauteur de faire que le secteur minier soit amélioré et pour contrôler suffisamment, ça ne marche pas. La troisième, c'est le système même de négociation des contrats, le système d'exécution des contrats miniers qui doit être suivi et éviter toutes les irrégularités qui peuvent caractériser la négociation, la mise en œuvre des contrats miniers. Ici, il y a des questions très très important, notamment la lutte contre la corruption sur toute la chaîne d'exploitation minière, la lutte contre la fraude, la fuite minière, la fuite des recettes. Tout ça, ce sont des choses qui doivent être prises en considération. Et c'est par cet élément que nous mettons un point final à cette édition. Merci pour votre oreille attentive et fidèle. La présentation, vous étiez avec Dora Bingabide, Akimana François, assuré la mise en onde. Tout de suite, revue de la presse avec Léonce Bitalihou et Francine Dihokoubgaï. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon votre zone d'écoute. Le journal La Voix de l'enseignant parle de carence des étudiants à l'université. Des facultés et instituts de l'Université du Burundi manquent cruellement des étudiants. Et ce journal rappelle que le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique vient de revoir à la baisse la note minimale d'accès aux institutions d'enseignement supérieur public. Or, note ce journal, les deux institutions publiques espéraient trop d'effectifs car elles attendaient deux cohortes, celles des éditions 2022 et 2023. Les lauréats s'orientent vers les facultés et les instituts des universités privées, tandis que d'autres sont obligés de rester à la maison par manque de moyens financiers. Cet hebdomadaire de l'éducation fait encore remarquer qu'avec la suppression de la restauration universitaire, la vie des étudiants est devenue intenable à telle enseigne que les lauréats abandonnent carrément la fréquentation des campus universitaires dans les grands centres urbains. Pour son confrère, le gouvernement devrait tout faire pour retrouver les conditions de vie viables pour les étudiants, futurs cadres du pays. Sinon, il y aura trop de déperditions. Le pays en paiera un prix très fort, regrette la voix de l'enseignant. Et l'éditorialiste du journal Iwachu de rappeler, sous le titre « Le grenier du savoir n'attire plus », que le même scénario a été vécu il y a 2 ans. Une opinion se demande si ce désintéressement, cette désaffection des auditoires de la seule université publique réputée comme grenier du savoir, sont réellement dus aux résultats de l'examen d'État. D'après son confrère, Rumuri, le flambeau du Burundi, est en train de s'éteindre. Mais ce n'est pas une fatalité, conclut l'hebdomadaire. Revue de la presse. Une inflation record s'alarme Burundi Echo. Pour son confrère, depuis 2022, le taux d'inflation bat le record et rien n'augure qu'elle sera maîtrisée avant la fin de cette année. Les statistiques montrent que l'inflation alimentaire a augmenté de 40,5% en octobre dernier. L'Institut national de la statistique du Burundi renseigne que les cours du haricot sec enregistrent une hausse de 95% par rapport à la même période en 2022. Pour le moment, poursuit Burundi Echo, les prix des céréales restent élevés. 1 kg de maïs sec coûte 2700 francs au marché de Gitega. Pour ce qui est du riz, un produit de base dans les zones urbaines, les prix tournent autour de 4500 francs le kilo. Pour ce qui est des légumes, le petit pois frais se raréfie sur le marché de Gitega. Désormais, 1 kilo de petit pois s'achète entre 14 000 et 16 000 francs burundais. L'exploitation des marais pendant la saison sèche n'arrivait pas à accroître l'offre alimentaire, explique cet hebdomadaire socio-économique qui fait remarquer que la population est toujours en attente des récoltes de maïs pour la saison culturelle C-2023. Il faudra attendre la fin de cette année pour que les premières récoltes de maïs atterrissent sur le marché, prévient son confrère. Une fille morte électrocutée dans la réserve naturelle de Vianda, rapporte Net Press. En effet, explique cette agence en ligne, une fillette âgée de 15 ans est morte ce mercredi dans l'après-midi lorsqu'elle a eu contact avec une ligne électrique à haute tension alors qu'elle était en train de cueillir des champignons sauvages dans la réserve de Vianda en province de Rumonge, au sud-ouest du pays. D'après ce confrère, citant des sources administratives, c'est la troisième victime morte suite à une électrocution dans cette réserve. L'administrateur communal de Vianda indique dans les colonnes de ce quotidien en ligne que dans certains endroits, des poteaux ont cédé aux intempéries et des fils électriques sont presque à terre. Il demande à la régie des eaux de réhabiliter le réseau électrique haute tension Kigwena-Vianda pour prévenir des accidents éventuels. Terminons cette revue de presse avec l'agence burundaise de presse qui rapporte les propos de l'administrateur de la commune Matongo en descente dans les zones Ebanga et Urarana pour échanger avec les femmes de ces zones sur un comportement digne qui doit les caractériser. En effet, Alice Nsabiyumva a affirmé que le manque d'hygiène chez les conjointes peut conduire certains hommes au concubinage, d'où elle a invité ces femmes à se préoccuper de leur hygiène tant corporelle que vestimentaire. Ainsi se referme cette revue hebdomadaire de la presse, préparée et présentée par Léon Sebitalio et Francine Ndiokoubgayo. À la prochaine. Revue de la presse.